Recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On vous reçoit dans le cadre de votre activité autour de la science, l'écologie, l'économie et même la politique pour vous, Pierre Larotoroux. On va commencer par Jean Jouzel. Jean Jouzel, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Oui, succinctement. Bien, j'ai consacré toute ma vie à la recherche, en fait. Je suis chercheur sur l'évolution du climat et... J'ai commencé il y a une cinquantaine d'années, mais depuis je m'intéresse aussi au climat, mais aussi, disons, aux aspects, aux conséquences de ce réchauffement climatique et aux aspects sociétaux. Je suis par exemple membre du Conseil économique, social et environnemental. Je m'intéresse aussi aux, disons, aux liens avec les décisions politiques. Donc ça va au-delà de la simple travail de recherche, mais c'est au cœur quand même de mes activités. La recherche est au cœur de mes activités. Vous êtes co-détenteur du prix Nobel de la paix? Donc on a eu, oui, enfin c'est le GIEC, donc j'étais vice-président du groupe scientifique en 2007, au moment où le GIEC a partagé le prix Nobel de la paix, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc a partagé le prix Nobel de la paix avec Al Gore. Voilà, donc c'est très important parce que cette idée du prix Nobel de la paix, c'est vraiment que si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, ce sera difficile d'espérer un développement harmonieux de nos civilisations. Et si on veut faire quelque chose, il faut être solidaire. Donc c'est ça le sens de ce prix Nobel de la paix, je veux dire. Il faut vraiment cette solidarité, ou sinon, eh bien, nous allons dans le mur. Je ne suis pas du tout collapsologue, mais vraiment un développement harmonieux de nos civilisations serait très difficile. Pierre Larotoroux, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, je voudrais en rajouter sur Jean, parce qu'il est trop modeste pour le dire, mais Jean Jouzel et Claude Lorius sont alors, et puis un ou deux autres chercheurs, sont à l'origine des découvertes fondamentales qui ont montré le lien entre le CO2 et le dérèglement climatique. C'était il y a 34 ans ou 35 ans, leur article qui montre qu'ils avaient analysé une carotte de glace, il y en a qui étaient au pôle sud, ils avaient analysé la glace sur 180 000 ans, ils ont analysé le gaz qui était enfermé là depuis 180 000 ans, et ils ont montré le lien avec le réchauffement climatique, et leur courbe était tellement évidente que tout le monde en a parlé à travers la planète, alors que d'habitude, des articles dans Nature, il n'y a pas grand monde qui en parle, et que du coup, quelques temps plus tard, Ronald Reagan, Margaret Thatcher ont été obligés de créer le GIEC, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un énorme problème. Donc c'est Jean est trop modeste pour le dire, mais c'est vraiment un très très grand chercheur, un gars adorable, un ancien footballeur, mais un très très grand chercheur. Et puis ça veut dire quand même que ça fait 35 ans, en gros, qu'on sait qu'il y a un problème. Voilà. Et on ne fait rien. Voilà. Et vous ne voulez pas vous présenter? Si, je n'ai rien à cacher. Je m'appelle Pierre Larotoroux, je suis ingénieur agronome, j'ai failli être chercheur, mais je ne l'ai pas été. Donc depuis très longtemps, je m'intéresse à l'avenir de la planète. J'étais un élève de René Dumont, le premier candidat écolo. J'ai eu la chance d'aller, qu'il me raconte sa vie, tout ce qu'il avait fait au Burkina Faso, en Inde ou ailleurs. Donc ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'avenir de la planète. Et puis on travaille avec Jean Jouzel, avec Michel Rocard et Stéphane Hessel. En 2012, on avait déjà lancé l'idée d'un pacte européen pour agir vraiment sur le climat et la biodiversité. Et puis depuis 2 ans, on a intensifié nos efforts avec Jean et avec quelques autres. On va commencer par une question... qui n'est pas tout de suite technique, pour éviter de gaver nos auditeurs. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe autour de Greta Thunberg. Je voudrais avoir votre avis sur la levée de bouclier du gouvernement concernant Greta Thunberg. Je voudrais votre avis sur la levée de bouclier de certains scientifiques ou médecins qui tapent sur Greta Thunberg. Jean Jouzel. Oui, de façon très claire, moi je... Disons, je pense que c'est important d'avoir Greta Thunberg. Il m'arrive même de dire que, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi je répète les mêmes choses depuis, comme l'a dit Pierre, depuis une trentaine d'années ou depuis les années 80. Vous pleurez jamais, vous? Non, non, mais pourquoi? Une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas été écoutés, peut-être que nous n'avons pas eu Greta Thunberg au début des années 2000, au moment du protocole de Kyoto. Voilà, donc je pense que c'est important que la mobilisation des jeunes, dans laquelle Greta Thunberg a joué un rôle extrêmement important et pour moi très porteuse d'avenir. Donc je pense, et ce que dit Greta Thunberg, quand on dit qu'elle est catastrophiste, la seule référence qu'elle fasse, c'est vraiment écouter les scientifiques. Donc, et je crois qu'elle s'y tient. Donc, personnellement, je suis très attaché. Et on voit bien, enfin, disons que Bon, on a un scientifique ce soir. Qu'est-ce qu'elle redoute, Greta Thunberg ? Bien justement, elle redoute que si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, elle le dit, elle le redit, et c'est ce que nous disons dans notre communauté scientifique, et bien nous allons vers des réchauffements qui peuvent être très importants à la fin du siècle, après 5 degrés, voire peut-être en plus, mais disons même 4 à 5 degrés, c'est vraiment un monde différent, c'est ce dont les gens doivent se rendre compte. Quand on parle de réchauffement climatique, on a le sentiment que c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pas du tout ça. Le réchauffement climatique tel qu'il serait si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est un autre monde. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand je disais, ça m'arrivait de dire que, eh bien, un jour, assez rapidement en France, on aura des records de température qui seront supérieurs à 45 degrés. Les gens souriaient, c'est très clair. Les gens disaient « cause toujours ». Et maintenant, eh bien, voilà, on en est là et on peut penser malheureusement que dès dans les années 2050, 2060, eh bien, si on continue, on pourrait avoir en France des records de température jusqu'à 50 degrés. Donc c'est un autre monde. Et donc on peut parler de nous, et encore, nous sommes privilégiés en France. Comment vous expliquez qu'on tape sur Greta Thunberg, vous pensez qu'il y a des lobbies de l'industrie derrière, vous pensez qui motive qu'est-ce qui motive les gens à dire qu'elle est catastrophiste, que la science et la technologie nous ont toujours sauvés, que ça crée une génération de dépressifs, on lui objecte ça, on lui objecte qu'elle devrait aller se soigner, qu'elle devrait prendre des petites pilules, retourner à l'école. Oui, ben moi je vais simplement me référer à un éditorial de Stéphane Foucard dans Le Monde, il y a vraiment quelques semaines, et bien Stéphane Foucard a dit c'est cela, les gens qui ne veulent rien faire. D'abord, il y a eu le climato-scepticisme, ensuite, ils voient qu'ils n'ont plus d'arguments, et maintenant, la seule façon pour eux de réagir vis-à-vis de ce qui se passe, c'est de taper sur Greta Thunberg. On en est là. C'est-à-dire que ceux qui... il y a différents courants, on ne peut même pas dire qu'il y a un lobby, mais c'est ceux qui ne veulent rien faire. Ils veulent bien en parler, mais ils ne veulent rien faire. On peut voir, par exemple, Nicolas Sarkozy, j'ai travaillé avec lui, à l'époque du Grenelle de l'environnement, mais malheureusement, il a abandonné, son célèbre « l'environnement, ça suffit ». Évidemment, ça a marqué la fin de la dynamique du Grenelle de l'environnement. Donc, on voit bien ces gens. Donc, c'est parce que, simplement, ils ne veulent pas que les choses se passent. Ils veulent fermer les yeux et, franchement, c'est bien là. C'est presque un réflexe de désespérer parce que, pas vraiment d'argument. Le fait que Greta Thunberg soit dans un environnement effectivement avec lequel elle discute et qu'elle soit aidée dans ce, bien sûr, elle lit aussi, on l'aide elle est bien entourée, elle est bien du point de vue scientifique, c'est clair que celle qu'elle avance est vraiment généralement très correcte. Je n'ai jamais vu avancer quelque chose d'incorrect. Donc dire que, d'une certaine façon, nous sommes aussi catastrophistes, nous. Mais simplement, il suffit de lire le rapport du GIEC. C'est ce qu'elle nous invite à faire. Catastrophe si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. On reviendra au rapport du GIEC, c'est très important. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps, le nouveau. Pierre Laroutourou, le fait qu'on essaye de psychiatriser Greta Thunberg, qu'on essaye de la faire passer pour quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui devrait retourner à l'école, ou quelqu'un qui, par exemple, quand elle dit vous allez me gâcher mon enfance, alors que y a des petits enfants qui sont à quatre pattes dans les rizières pour aller ramasser du riz ou qui portent des tonneaux de flotte en Afrique. Mais moi j'ai honte de tous ceux qui critiquent Greta Thunberg. J'ai franchement honte. Les députés français qui se sont moqués d'elle, ils auraient juste dû prendre une heure pour aller l'écouter, ou qu'ils prennent une heure pour écouter Jean Jouzel ou pour lire les rapports du GIEC. C'est franchement un aveuglement qui est ridicule. Et s'il y a effectivement des gens qui dépriment, j'ai un ami en Belgique dont la fille a essayé de se suicider tellement elle est inquiète pour l'avenir de la planète, mais c'est pas à cause de Greta, c'est juste l'inaction de nos dirigeants. Il y a 30 ans déjà qu'on a créé le GIEC parce qu'il y avait une évidence. Tout le monde dit qu'on n'a plus que quelques années pour agir. Guterres, le patron de l'ONU, dit qu'on n'a plus que 2 ans pour agir. Il y a des cercles... La plupart de nos politiques ne comprennent rien aux sciences, sont très sûrs d'eux, ils ont fait les meilleures écoles, ils pensent qu'ils ont tout compris avant tout le monde, et ils ont l'habitude de gérer des problèmes linéaires. On arrive au pouvoir, on met quelques rustines, et puis on laissera le bazar à Jean. Si vous voulez réagir en même temps, vous pouvez. Oui, non, mais c'est juste... Et là, Jean, vas-y. Pierre a raison, qui fait... voilà, c'est pas Greta Thunberg qui est en cause, c'est vraiment les gens qui critiquent Greta Thunberg qui doivent être mis en cause dans leur propre raisonnement et dans leur propre attitude. C'est très clair pour moi. Et donc ça l'est aussi pour Pierre, et je pense que les exemples sont là. Ce n'est pas non plus en masquant l'avenir qu'on va entraîner les jeunes vers l'action. C'est ça que nous devons faire et que nous souhaitons faire collectivement. Voilà, donc on a beaucoup à faire. Pierre, là aussi, maintenant, peut-être plus avec une démarche politique, je le fais toujours du point de vue plus scientifique, mais voilà, l'objectif est l'action, ce n'est pas du tout l'inaction comme ceux qui s'élèvent contre Greta Thunberg en sont les porteurs réellement, l'inaction. Greta a compris l'un des messages fondamentaux des scientifiques, c'est dire on va vers un point d'effondrement, on va vers un point de non-retour. Je ne sais pas si on peut voir cette courbe, c'est l'évolution de la glace au Groenland, la fonte des glaces au Groenland depuis 40 ans. Avril, mai, juin, juillet, en moyenne, depuis 30 ans ou 40 ans, à la fin de l'été, quand il avait fait très chaud, il y avait 20% de la glace qui avait fondu. 20%. Cette année, au mois de juin, il y avait 45% de la glace qui avait fondu. Le problème n'est pas linéaire. On sait tous qu'une surface blanche, elle va renvoyer la lumière et la chaleur. Tandis qu'un truc qui est foncé, il va absorber la chaleur. Donc, quand le réchauffement climatique fait fondre la glace, et moins il y a de glace, plus on va se réchauffer. Le réchauffement climatique fait fondre le permafrost, il se décongèle et il envoie du méthane dans l'atmosphère, qui est 14 fois plus grave que le CO2. Le réchauffement climatique fait que les feux de forêt depuis 10 ans en Californie, là, ça a été multiplié par 4, il y a 4 fois plus de feux de forêt qu'il y a 50 ans. Donc tous les imbéciles, je reste poli, mais tous les imbéciles qui nous dirigent et qui pensent qu'il faut que Greta prenne sa pilule et qu'elle se calme un peu, je pense qu'ils n'ont réellement pas pris une heure pour réfléchir, et ils n'ont pas compris non plus que ça pourrait être une opportunité, que si on met le paquet sur la transition écologique, on pourrait créer 5 millions d'emplois en Europe, on pourrait respirer un air qui est meilleur pour notre santé, on pourrait avoir une alimentation meilleure pour nous, on pourrait faire des économies. L'autre jour, j'étais à Grenoble, dans une cité de HLM qui a été isolée, et le monsieur qui m'accueillait disait « Vraiment, depuis qu'on a isolé mon bâtiment, j'ai beaucoup moins chaud l'été, j'ai beaucoup moins froid l'hiver, et j'économise 800 euros chaque année. » C'était pas un climatologue ou un économiste, c'était un gars qui vit là depuis des années, qui dit « On a isolé le bâtiment, j'y gagne en qualité de vie et j'y gagne 800 euros. » Et pardon, le maire de Grenoble disait « J'aimerais en faire plus, mais je n'ai pas les moyens financiers. » Et c'est pour ça qu'on se bat pour un pacte climat au niveau européen qui donne les moyens pour accélérer. Le nouveau rapport du GIEC est sorti. Le nouveau rapport du GIEC s'attarde un peu plus sur les océans. On parle des océans, de canicules océaniques, des événements très chauds sur certaines régions du globe qui, pour parler très trivialement, fait crever tout ce qui se trouve au-dessus de la thermocline. Et qui vont se multiplier, oui. Et qui vont se multiplier, et aussi, alors j'en suis pas arrivé, alors peut-être que vous l'avez pas encore traité, parce que j'ai pas lu, excusez-moi, la totalité de votre rapport. Est-ce que vous parlez des hydrates de carbone qui pètent sous les mers? Non, pas trop, enfin pas dans ce rapport, il y a pas, disons, quand on parle d'hydrate, il y a quand même peu de risques sous la mer. Donc effectivement, il y a deux façons d'avoir du méthane dans les sols gelés, c'est de la matière organique, et aussi les premières épaisseurs de sédiments marins. Mais pour que ça se réchauffe au fond, généralement, non, on n'évoque pas beaucoup les problèmes d'hydrate dans ces cas-là. Est-ce que vous en avez discuté avec les ingénieurs de chez Total ou les ingénieurs qui travaillent dans la prospection sous-marine, ou avec certains gouvernements qui s'inquiétaient d'entendre sur leurs capteurs de grosses détonations? Ils pensaient que c'était des détonations d'armes nucléaires, vers l'Arctique. Oui, sur ce point-là, je pense que il y a toujours eu des désintégrations. Donc l'hydrate de méthane, ces événements ont toujours existé. Hein, il y a toujours eu du méthane qui s'est probablement formé à l'interface sédiment, entre sédiments et le fond des eaux océaniques. Mais la difficulté actuellement qu'on a, c'est de savoir si ça s'accélère ou non. Donc le fait qu'on l'entende et qu'il y en ait actuellement ne veut pas dire que ça s'accélère. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de panique par rapport à ces hydrates de méthane. On peut quand même voir qu'il y a 50 millions d'années, il est très probable que c'est ces hydrates de méthane qui ont été à l'origine d'un réchauffement relativement rapide. Donc ça a existé dans les passés géologiques, il faut être très attentif, mais c'est vrai qu'en termes de production de méthane supplémentaire, on est plus inquiet, enfin notre communauté est plus inquiète par rapport à la fonte des sols gelés disons en Sibérie ou dans l'Arctique canadien. Et par notre consommation et par notre modèle agriculture, pardon. C'est de loin, et ça c'est aussi une des points qu'il faut souligner. Bien sûr, il y a du méthane qui va sortir des sols gelés, mais avant tout, la première contribution, ça reste nos activités. Il ne faut pas cacher notre rôle derrière des phénomènes qu'on pourrait ne pas maîtriser en disant effectivement la nature elle-même va générer son propre méthane. Je suis en train de dire simplement les océans se réchauffent. Comme les océans se réchauffent, ça réchauffe les hydrates, donc ça pète. Pour le moment, il n'y a pas dans ce rapport, disons, de cri d'alarme par rapport à cette formation d'hydrates. Dans le dernier rapport du GIEC, on disait aussi que ce n'était pas, disons qu'il y avait relativement peu de risques. C'est l'état actuel de notre science. On verra, bien sûr, si l'océan si l'océan profond se réchauffait de façon importante, il y a ce risque qui deviendrait plus prégnant. Revenons sur l'état des glaces. Vous en parlez dans votre rapport. Un petit tour d'horizon. Un petit tour d'horizon de ce qui se passe actuellement. Bon, je pense que si on regarde, alors c'était bien dans ce rapport de regarder à la fois l'océan et la cryosphère, les glaces, l'océan et les glaces. Pourquoi ? Bien parce que un des principaux dangers de l'océan, c'est quand même l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, actuellement, c'est de l'ordre d'un peu plus de 3 mm chaque année. Ça s'est accéléré, hein. C'est pratiquement deux fois plus rapide qu'il y a une centaine d'années, ou 50 ans même. Et donc, 3 mm chaque année, en fait, 1 mm lié à peu près, 1 mm lié au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis pratiquement l'essentiel du reste lié à la fonte des glaces, à peu près en trois parties. Hein, le Groenland, moi quand on a commencé... il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on nous disait que le Groenland était à l'équilibre, c'est-à-dire qu'en gros, il ne perdait pas de glace, hein, de volume, et depuis une vingtaine d'années, visiblement, il en perd. Ça contribue aussi avec l'Antarctique, ça contribue pratiquement pour la moitié de l'élévation du niveau de la mer chaque année. Et puis il y a une partie aussi liée à la fonte des glaciers continentaux. Ceux des Alpes, ça ne joue pas beaucoup, mais l'Himalaya, les Andes, les glaciers d'Alaska. Donc, disons, on a vraiment dans cette élévation du niveau de la mer un double indicateur du réchauffement climatique à travers le réchauffement de l'océan et bien sûr la fonte des glaces. Mais pour le moment, c'est un indicateur, ça a déjà des conséquences, hein, ça peut accélérer l'érosion dans certains endroits, mais ce qui nous attend, c'est vraiment terrible si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est cela en termes d'élévation du niveau de la mer, de fonte des glaces, c'est ce vers quoi nous allons. Ce vers quoi nous allons, c'est quand même... probablement un mètre, si on ne fait rien d'ici la fin du siècle, d'élévation du niveau de la mer, des villes, des grandes villes qui seraient vraiment mises en difficulté. On peut penser de New York, on peut Tokyo, Calcutta, Bombay, bien sûr, Dhaka, mais Bangkok. Ouais, donc il y a des régions en France. Non, mais en France, la Camargue en France, disons, il y a des régions. Est-ce que vous parlez de la salinisation des sols? Oui, bien sûr. Ça, c'est un des autres points parce que les eaux pénètrent, l'élévation du niveau de la mer se traduit par une salinisation des sols dans les régions côtières. Et ça, extrêmement négatif par rapport à l'agriculture. Ces sols, perdent leur productivité. Et donc, il y a beaucoup d'effets d'élévation du niveau de la mer. Ils sont quand même tous négatifs en termes de protection des infrastructures. De plus en plus, certains pays pensent à redonner des terres à la mer. Et donc, il faut bien comprendre qu'on en est rendu là dans cette région. Il ne sera pas possible de protéger des grandes villes contre 1, voire 2 mètres. C'est plutôt 3 mètres à la fin du siècle prochain. Donc, ces infrastructures sont toujours là. Et puis, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la fonte du Groenland à échéance de quelques siècles. Et là, ce sont 7 mètres supplémentaires d'élévation. Une dernière question pour vous, Jean. Est-ce que vous parlez des chaînes de volcans en Antarctique qui pourraient se réactiver parce que l'Antarctique perdrait sa calotte glaciaire ? Là, pas non plus dans ce rapport, mais l'Antarctique ne perdra pas... Enfin, l'Antarctique de l'Est, cette chaîne, elle est entre l'Antarctique de l'Ouest et l'Antarctique de l'Est, hein, largement, les montagnes transantarctiques, justement. Mais heureusement, l'Antarctique, c'est 60 mètres d'élévation du niveau de la mer. Il y a une partie de l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest, où il y a 4 à 5 mètres d'élévation du niveau de la mer. Bon, c'est, disons, proche de l'Amérique du Sud, cette partie-là. Eh bien là, elle est plus fragile, mais l'Antarctique de l'Est, près de 60 mètres d'élévation du niveau de la mer, est quand même très froid. Il n'y a pas de fusion dans les régions côtières, ce qui n'est pas le cas au Groenland. Donc on voit bien cette fusion dans les régions côtières. Il n'y en a pas dans l'Antarctique de l'Est parce qu'il fait quand même moins 20, des températures trop froides. Donc non, il n'y a pas de, enfin, bien sûr, si l'Antarctique fondait, mais ça n'arrivera pas à échéance prévisible, ça jouerait, évidemment, ça libère, hein, bien sûr, on a vu ça d'ailleurs là aussi dans le passé, le fait d'avoir une calotte glaciaire qui libère des contraintes peut effectivement être à l'origine d'un volcanisme plus important. Pierre, ça me paraît très sexy comme programme. Oui. La réponse des politiques... Pardon, je peux en rajouter, pardon, parce que... À votre demande, Jean vient de parler du dernier rapport, mais moi je ne suis pas climatologue, mais j'ai passé 2 jours à Bamako il y a quelque temps, au Mali, et il vous explique, tout le monde s'en fout, mais que la sécheresse que vit le Sahel en ce moment, on n'a jamais vu une telle sécheresse. Et voilà. En Inde, l'été dernier, Jean a dit qu'on avait des canicules. En France, on a eu 45 degrés. Hein. Et en Inde, il a fait 50 degrés. Et on nous explique qu'il y a plusieurs grandes villes d'Inde qui, dans 4 ou 5 ans, n'auront plus une goutte d'eau dans la nappe phréatique. Donc, évidemment, le dernier rapport est très sérieux quand on dit que l'eau va monter de 1 mètre et qu'il y a des villes qui vont être submergées dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est pas linéaire, il y a des, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment dire, et on revient à la question de Greta, elle a raison de dire qu'on n'a plus que quelques années pour agir et que sinon de notre vivant, on va connaître la barbarie. Quand l'ONU annonce 150 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, 150 millions d'hommes et de femmes qui auront le choix entre crever sur place ou essayer de bouger pour essayer de survivre, à Bamako, ils parlent du sida climatique. Le vrai sida, le VIH, le virus du sida, a fait des dizaines de milliers de morts en Afrique, mais ils disent que le climat va faire autant de milliers de morts et les gens auront le choix entre mourir sur place ou bouger. Quand l'ONU dit qu'il y en a 90 millions qui devront quitter l'Afrique, ils vont vouloir traverser la Méditerranée, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Europe devrait agir avec force. C'est pour ça qu'on se bat avec Jean et avec d'autres pour un pacte européen en disant il ne s'agit pas de se flageller, il s'agit juste de dire la vérité. Si on fait le bilan depuis 2 siècles, premièrement, l'Europe est la première puissance économique mondiale, et depuis 2 siècles, c'est nous qui sommes le plus gros émetteur de CO2. Maintenant, c'est la Chine ou les États-Unis, mais le bilan depuis 2 siècles, c'est nous. Donc, nous avons la responsabilité de... Et c'est trop facile de se moquer de Trump. Quand Merkel et Macron reviennent de New York et disent « à cause de Trump, on ne peut rien faire », c'est du pipeau. L'Europe a tous les moyens d'agir sur son territoire et de financer un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Est-ce que vous deux, est-ce que vous défendez l'idée d'un statut spécial pour les réfugiés climatiques? Et est-ce que vous avez perçu comme nous qu'il n'y avait pas beaucoup d'écho dans le milieu politique et scientifique? Donc moi, je me suis intéressé, j'ai préfacé un livre sur les réfugiés climatiques, voilà, donc il y a quelques années, on a beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup progressé. Effectivement, certaines personnes se battent pour un statut de réfugié, donc ça serait important. On voit bien que les pays s'y opposent, parce qu'à partir du moment où il y aurait ce statut de réfugié, effectivement, ils ont peur de façon très claire. Voilà, ou même en Europe, hein, il n'y a pas un soutien très fort pour donner un statut à ces réfugiés climatiques parce que, bon, voilà, donc ça veut dire statut, ça veut dire aussi obligation d'accueillir. Et on voit bien que quand on parle de dizaines de millions, certainement, peut-être d'une centaine de millions, ça dépend de l'échéance à laquelle on se place, évidemment, c'est aussi tout l'accueil qui est derrière et... Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays qui soutiennent. Alors évidemment, quand on parle de l'Australie, là, il y a eu carrément un refus hein, par rapport à, disons, à des petites îles, parce que des petites îles commencent déjà à penser à aller s'établir autre part. Mais oui, moi je suis donc assez favorable à ce statut, mais ça ne progresse pas beaucoup actuellement, me semble-t-il. On a vraiment des dirigeants, je ne veux pas juger les personnes. J'adorais Vaclav Havel, et Vaclav Havel disait le rôle du citoyen n'est pas de juger les politiques, mais de dire la vérité. Et honnêtement, tchèque. Vaclav Havel, tchèque, un grand homme de théâtre, qui tout d'un coup s'est engagé, il est un de ceux qui a fait que des millions de gens sont engagés pour faire tomber le mur de Berlin. Il disait, le rôle n'est pas de juger les politiques, mais de dire la vérité. Et honnêtement, je suis d'accord avec Greta pour dire, mais on vous en voudra à mort. Et je pense que on a toutes les preuves. Maintenant, je le répète, si le GIEC a été créé il y a 30 ans par Ronald Reagan, Margaret Thatcher, c'était pas des écolos, c'est qu'il y avait déjà une évidence. Il y a un bouquin qui va de sortir qui montre comment déjà en 79, il y a un rapport qui a été remis à la Maison Blanche par les plus grands scientifiques américains. C'était pas 3 rigolos qui avaient bu un café ensemble. C'était le conseiller scientifique de Kennedy, le conseiller scientifique de Johnson, qui avait bossé avec plein de climatologues et qui ont rendu en 79 un rapport pour dire on va vers un dérèglement climatique dû à l'activité humaine. Et quand ce sera une évidence pour tout le monde, ce sera trop tard pour agir. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand il y a un consensus scientifique, c'était peu de temps avant que vous apportiez la preuve physique du réchauffement et du lien avec le CO2. Et le problème, c'est que Ronald Reagan arrive à la Maison Blanche quelques mois plus tard. Et avec Ronald Reagan, il y a tous les lobbies du pétrole qui font tout pour dire peut-être que oui, peut-être que non. Et malgré ça, après ça, Reagan accepte le GIEC. Mais voilà. Donc on a perdu 40 ans. Et maintenant, ça devient absolument scandaleux si on n'est pas capable d'agir. Donc, je pense qu'il faut qu'on pousse. J'étais l'autre jour avec Bruno. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Avec l'inertie de ce système. Non, justement, quand Pearl Harbor, quand il y a si on a une volonté politique, on peut faire bouger les choses. Quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il est frappadingue et qu'il a pris un coup de soleil, parce qu'aller sur la Lune, c'est juste impossible. Mais Kennedy met les moyens. Le budget de la NASA va être multiplié par 15. Je pense qu'il y a des comptables qui ont fait des crises cardiaques. On multiplie par 15 le budget de la NASA. On crée 400 000 emplois. C'était 3% du PIB américain. On crée 400 000 emplois. Le technicien est de l'autre côté de la caméra. Le vrai expert se cache. On crée 400 000 emplois et on va sur la Lune plus vite que prévu. Quand les Japonais bombardent à Pearl Harbor, en 3 mois, toute l'économie américaine se transforme. Roosevelt décide qu'on va rentrer en guerre et c'est une transformation totale. Des entreprises qui faisaient des voitures ne vont plus faire une seule voiture et vont se transformer pour aider à l'économie. Mais le schéma était le même. C'était un schéma de consommation dans une croissance exponentielle qui a été rerouté, refléché pour aller sur une politique guerrière. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a une volonté politique, quand Jules Ferry décide de faire l'école pour tous, il y en a qui pensent qu'il est fou, que c'est une idée généreuse, mais que le pays n'a pas les moyens, qu'on a encore besoin des enfants dans les usines et dans les fermes. Il y a une pression des citoyens. J'ai découvert récemment que, par exemple, la Ligue de l'enseignement a été créée à l'époque pour dire à Jules Ferry, allez-y, on compte sur vous. Il y a eu 1 200 000 citoyens qui ont signé la pétition pour demander l'école laïque gratuite et obligatoire. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On voit les carrioles qui remontent vers Paris avec 1 200 000 pétitions pour dire, on veut cette école gratuite, laïque et obligatoire. Et Jules Ferry, en quelques années, met les moyens financiers et on est capable de réussir ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir, qu'on peut encore, l'Europe doit faire le... L'excuse « Trump ne veut rien faire » n'est pas une excuse. En Europe, l'excuse « je suis maintenant député européen depuis 3 mois », l'excuse « avec Orban, c'est compliqué », c'est du pipeau. L'autre jour, j'étais à Madrid avec le conseiller Pedro Sanchez et il me disait « tu n'as pas besoin de l'unanimité ». L'unanimité, on se fait plaisir pour dire « en fait, même s'il n'y a que 12 ou 14 pays qui veulent agir vraiment sur le climat, on peut le faire ». On appelle ça une coopération renforcée, mais du point de vue juridique, même s'il y a 9 pays seulement qui veulent avancer, et tant pis si M. Orban n'en a rien à faire, son pays suivra plus tard. Donc maintenant, et c'est pour ça que je suis très heureux à Bruxelles de voir toutes les grandes manifs, les amis de Greta en Belgique, c'est Adélaïde, Hanouna et d'autres, et toutes les semaines, il y a des manifestations. Dimanche dernier, elles étaient près du Parlement, et elles disent, mais arrêtez les discours, maintenant on veut passer à l'action. Vous cautionnez le fait que les gamins n'aillent plus à l'école en fin de semaine ? Oui, enfin je regarde ça avec intérêt. Je n'ai pas pris position par rapport à ça. Bon, je préfère aller au marché du climat le samedi, j'aimerais bien aussi que les jeunes y viennent, mais c'est difficile samedi dernier, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que, et je l'ai déjà dit aux jeunes, c'est que cette mobilisation leur a déjà apporté beaucoup. Quand on regarde les programmes... les programmes qui seront enseignés au lycée, sur le regard en début d'année, il n'y avait pratiquement rien sur le développement durable, sur le réchauffement climatique. Et depuis, ces programmes ont été modifiés, enrichis. En fait, dans le tronc commun, il y aura un nombre d'heures relativement important dédiées au réchauffement climatique, à la biodiversité, et c'est grâce à des gens comme Pierre Léna, comme Valérie Masson-Delmotte, mais aussi à la mobilisation des jeunes. Et maintenant, cette semaine, j'ai été auditionné par le Conseil supérieur des programmes, parce que Jean-Michel Blanquer a invité le Conseil supérieur des programmes à réfléchir à ce qui pouvait être fait, non pas simplement au lycée, mais de la maternelle à la troisième. Donc, dans le domaine du réchauffement climatique, de la biodiversité, du développement durable. Et c'est très clair que sans la mobilisation des jeunes, si cela est arrivé, c'est-à-dire si Jean-Michel Blanquer a accepté de réfléchir au programme, de les reprendre, eh bien, c'est grâce à la mobilisation des jeunes. Il faut bien se rendre compte que cette mobilisation des jeunes a eu un effet déjà extrêmement important. C'est pour cela qu'il faut effectivement que les jeunes prennent conscience. Les jeunes doivent prendre conscience au lycée. Alors, la façon de prendre conscience peut être diverse, mais c'est vrai aussi à l'université. Il y a le manifeste des 15 000, disons, en termes de... Là aussi, où les jeunes des grandes écoles et des universités disent que vraiment l'enseignement, ce qu'on leur enseigne n'est pas du tout adapté par rapport à ce vers quoi ils veulent aller. C'est un peu le message qu'ils donnent. Donc, ces jeunes sont là et je pense que la mobilisation des jeunes est très importante et a déjà eu des effets. Pierre, est-ce qu'il faut passer à une mobilisation un peu moins tiède, c'est-à-dire certains activistes prêchent une manifestation ou une prise de conscience plus violente, plus opérationnelle, plus d'une même type qu'une guérilla ? Alors, violence. Est-ce qu'il faut cautionner ça? Est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire, c'est une guerre et il faut prendre les mesures pour. Il faut faire quoi? Alors, juste une minute pour appuyer ce que disait Jean sur l'utilité des manifs étudiantes. On était l'autre jour en débat avec Nicolas Hulot à Bruxelles et il y avait au premier rang le ministre wallon du budget, Jean-Luc Cruc, qui disait que c'était grâce aux manifestations d'étudiants. Le climat, ça l'intéressait, mais c'est quand il a vu tout ce monde dans la rue, y compris ses enfants, les enfants des copains qui... Il nous a dit qu'il avait lu en une nuit le petit bouquin qu'on a fait avec Jean Jouzel et Anne Essel, voilà, qu'il avait lu en une nuit, qu'il pensait que tous les chiffres étaient faux, il a raconté ça en public, qu'il a fait vérifier par le ministère que c'était vrai, et il dit maintenant, on fait une coalition, et à part l'extrême droite, on rassemble tout le monde autour de ce projet. Et ça y est, depuis 2 semaines, en Wallonie, il y a un accord des 3 parties, ils ont 15 propositions, mais dans une des propositions, c'est de porter ce pacte climat au niveau européen. Et ça, c'est parce que les amis de Greta, Adélaïde, Hanouna et les autres étaient toutes les semaines dans la rue. Et moi, j'ai dit à mes fistons qu'ils avaient le droit de sécher les cours de temps en temps pour aller dans ces manifs. Tous les moyens non violents de foutre la pression et de dire la vérité et de dire maintenant on accélère, on arrête les discours, on passe à l'action sont bons. Sur d'autres méthodes, je pense effectivement, j'ai vu le film Anita, voilà, je pense qu'on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas suffisant. Que ça fait 30 ans que le GIEC améliore encore ses évaluations, ça fait 30 ans qu'il y a des ONG qui disent « attention, il faut accélérer », et manifestement, pour le moment, il faut qu'on soit modeste, nous n'avons pas trouvé le moyen de mettre en mouvement nos dirigeants. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut passer dans la violence. Je pense que dès qu'on arrive à la violence, c'est contre-productif. Moi, je me souviens, à Notre-Dame-des-Landes, une fois j'avais fait une manif à Notre-Dame-des-Landes, on était des dizaines de milliers, c'était super joyeux, pas un gramme de violence, et puis il y a 5 casseurs, et je peut dire qu'il y avait des CRS à proximité, mais que c'est à l'époque où Manuel Valls était aux manettes. On a laissé les casseurs casser, et alors qu'on aurait très bien pu les choper et les mettre à l'écart. Et après ça, ça a complètement dégénéré. Les images de télévision le soir, c'était que des casseurs. On s'est pris des lacrymogènes. Ce jour-là, on était au moins 20 000 dans la rue, et il y a un sondage qui disait que 80% des gens ne voulaient pas d'un deuxième aéroport. Mais à cause des casseurs, on a retenu dans toutes les émissions télé que la violence, et du coup, la fois suivante, les gens avaient la trouille d'aller dans la manif. Donc je pense que les actions violentes ne sont pas la solution, mais qu'en même temps, ce qu'on fait pour le moment n'est pas suffisant. J'étais il y a quelque temps avec des gens d'Alternativa et d'autres, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, à Pau, on a fait un day-in, moi je ne suis resté que 24 heures, mais il y avait une rencontre internationale de tous les gens qui font des forages offshore, tout au fond de l'océan, des forages de plus en plus dangereux, inutiles, et tous les ans, ces gens-là se retrouvent, une fois en Arabie, une fois à Chicago, une fois, là c'était à Pau. Et on était quelques centaines, et j'étais avec les gens d'Alternativa dans une COP 21, et ils ont fait un day-in de façon non violente, c'est-à-dire comme si on était 300 ou 400 à être morts pour dire aux pétroliers, mais est-ce que vous réfléchissez? Et à chaque fois, je trouve que ce genre d'action est utile, parce qu'il y a un dialogue. Les gens qui font ça ne sont pas là pour dire vous êtes nuls, vous êtes des gros nazes. À chaque fois, c'est de façon assez fraternelle, de façon très ferme, ils mettent de l'intelligence dans le dialogue, ils disent ce qui se passe est grave, ils en appellent à la conscience et à l'intelligence des gens. Donc, à Bruxelles, l'autre jour, il y avait en même temps, c'était super intéressant, dimanche dernier à Bruxelles, il y avait en même temps Adélaïde, les mouvements d'étudiants, il y avait un groupe de 700 chefs d'entreprise qui disent, maintenant, on veut agir vraiment pour le climat, il y avait des élus locaux, il y avait des ONG, et puis il y avait les gens d'Extinction Rébellion qui disent, nous, on voudrait bloquer Bruxelles, on voudrait bloquer Londres ou Paris pendant une semaine. Et moi, du moment que c'est non-violent, qu'on ne s'en prend pas physiquement aux personnes ou aux biens, je pense que tous les moyens de dire, on n'a plus que quelques années pour agir, et ça pourrait être une opportunité. Si on prend au sérieux la question du climat, on peut vivre bien, créer des emplois, respirer un air plus pur. Tous les moyens non violents, je pense, pour pousser les dirigeants au courage. Le mur de Berlin, s'il est tombé, moi j'étais à Sciences Po en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. On n'avait pas le droit de rigoler. Par charité chrétienne, je ne donnerai pas son nom. Mais ce monsieur était sûr de lui. Et 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Et si on avait attendu les grands chefs, je pense que le mur serait encore là. Mais ce sont des gens comme vous et moi. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait de politique. Ils se sont dit maintenant, il y en a marre. Ce système est insupportable. Au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000. Et en quelques semaines, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Donc je pense que dans les mois qui viennent, il faut qu'on se donne les moyens de faire converger tous ces mouvements pour qu'on oblige les politiques à passer à l'action. On va faire converger. Oui. Jean, quand on voit Bolsonaro, continuer de promouvoir la déforestation pour que le PIB de son pays augmente et que, en gros, c'est de la subornation de vote à travers la déforestation, c'est-à-dire y faire entrer des dollars de PIB et derrière, les gens revotent pour lui. Comment les pouvoirs publics maintenant accueillent le nouveau rapport du GIEC ? Est-ce que en gros ça les ennuie de trouver des solutions ou de trouver des préconisations ? Parce que derrière, ces préconisations vont être douloureuses pour la plèbe, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est-à-dire ce sevrage énergétique, ce sevrage de l'ultra-consommation, quand vous êtes addict, ça devient pénible. Comment les gouvernements vous perçoivent face à ça ? Ils vous perçoivent comme des empêcheurs de tourner en rond, comme ceux qu'on n'avait pas trop envie de les écouter, mais on est un peu obligé. Oui, je pense que oui, c'est un peu cette attitude disons. Je crois que les décideurs politiques se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas ignorer le diagnostic scientifique. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, qu'ils ont emmené notre monde en bateau. Puisque quand on regarde, si on regarde le premier rapport du GIEC, c'est en 90, dès en 92, est signé la Convention climat, donc dont l'objectif est de stabiliser, enfin, de viser à stabiliser l'effet de serre. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré dans la Convention climat au sommet de la Terre de Rio. L'objectif chiffré se met en place à partir de Copenhague en 2009 et puis surtout à Paris, dans l'accord de Paris en 2015. Donc, d'une certaine façon, quand on regarde l'accord de Paris, l'objectif de l'accord de Paris, c'est exactement, il s'appuie complètement sur le rapport du GIEC. Donc, d'une certaine façon, les décideurs politiques au niveau planétaire ont décidé de s'appuyer sur les connaissances scientifiques. Alors, non pas pour prendre des décisions, mais pour mettre en place des textes. Hein, voilà, parce que, donc, quand on regarde l'accord de Paris, effectivement, en gros, les scientifiques nous disent que pour s'adapter au réchauffement climatique, quand même, on voit bien qu'au-delà de 2 degrés, ce sera difficile. Et puis, il y a un an maintenant, ils ont dit qu'un degré 5, ça serait quand même mieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, un demi-degré de plus qu'aujourd'hui, hein, parce qu'on a déjà pris 1 degré. Eh bien, c'est ce qui est inscrit dans l'accord de Paris. Donc, on a le sentiment d'avoir été écouté. Mais la réalité, c'est que les engagements qui ont été pris dans l'accord de Paris, et là, ce sont bien sûr des politiques qui le prennent, sont loin du compte. En fait, les engagements pris dans l'accord de Paris nous emmènent de façon irrésistible, s'ils sont respectés, ce qui n'est pas le cas. Quand on regarde Bolsonaro, pour revenir à votre... à votre introduction de cette question, Bolsonaro ou bien, bien sûr les États-Unis, hein, les États-Unis, Brésil sont en train de quitter d'une certaine façon l'accord de Paris. Et donc les objectifs de l'accord de Paris qui sont minimaux, qui ne remplissent pas qui ne répondent pas à l'objectif scientifique, à l'objectif de 2 degrés, eh bien ne seront pas tenus. En fait, si on veut tenir l'objectif de 2 degrés, il faut multiplier par 3 les engagements de l'accord de Paris sur 2020-2030 et les multiplier par 5 pour 1,5 degré. Donc on voit bien qu'on est loin du compte. Il faudrait remonter de façon très forte, les multiplier par 3, voire par 5, les accords de Paris sur 2020-2030, si on voulait vraiment rester, dans un monde où les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter. C'est bien ça le problème. C'est au-delà de 2 degrés, il y a des capacités, les capacités d'adaptation commencent à diminuer. C'est le cas, par exemple, les récifs coralliens, au-delà de 2 degrés, risquent d'être complètement perturbés. Attaquer les récifs coralliens, et donc c'est un vrai problème pour beaucoup de régions. On est loin du compte, donc, et en plus, bien sûr, c'est la neutralité carbone. Mais ce que je veux dire du point de vue politique, en France aussi, on a une loi qui est tout à fait ambitieuse, puisque la loi sur la transition énergétique, la loi climat-énergie, s'est inscrite dans cette nécessité de neutralité carbone à horizon 2050, 40% de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2030. Donc, dans les textes, effectivement, d'une certaine façon, nos décideurs politiques s'appuient sur les rapports, sur les diagnostics des scientifiques, mais là où il y a un fossé, c'est entre les textes et ce qui se passe sous nos yeux chaque jour. Et c'est là où le fossé est énorme et, se creuse d'année en année dans certains pays. Jean, je peux vous demander de synthétiser ça d'une façon beaucoup plus triviale et avec des mots beaucoup plus fleuris que le Pékin lambda pourrait comprendre ? Ben en gros, oui, en gros, les décideurs politiques, effectivement, ne tiennent pas, en gros, ne font pas suffisamment pour que ce qu'ils signent se mette en place. Mais il ne faut pas non plus regarder que les décideurs politiques, c'est chacun d'entre nous nous sommes chacun d'entre nous concernés par ces émissions. Donc, je vois bien la difficulté. On peut aussi, redire que les décideurs politiques ne font pas ce qu'ils ne mettent pas en place les instruments pour que ce qu'ils ont signé, ce qu'ils ont ratifié dans le cadre de l'accord de Paris puisse être respecté. Mais c'est la population. C'est chacun d'entre nous. Tout le monde est concerné. La population, bien sûr, les entreprises sont aussi concernées. Elles doivent aussi se développer. Les décideurs politiques, mais non simplement les décideurs politiques à échelle planétaire, mais des élus. Alors les élus européens, Pierre, c'est très important, mais les élus locaux. La réalité du réchauffement climatique, quand on va parler de mobilité, quand on va parler d'habitat, c'est quand même à l'échelle, des régions, des communes. Des communautés de communes que ça se passe, aussi la production d'énergie. Donc c'est là vraiment aussi, à tous les niveaux, les décideurs politiques sont concernés, mais tout le monde est concerné, et nous-mêmes, chacun d'entre nous. Pierre. Mais je trouve que ça bouge. Par exemple, on a tous les maires ruraux de France, l'association des maires ruraux et des petites villes qui est avec nous pour obtenir ce pacte climat au niveau européen. Moi, je pense quand même que votre question était vraiment juste, et beaucoup de politiques pensent que ça va être douloureux pour la plèbe. Et donc les deux mots sont importants, la plèbe, parce qu'au lieu de penser que chaque citoyen a un cerveau et est capable de réfléchir et d'agir, on pense que c'est la plèbe, et on pense que ça va a priori être douloureux. Or nous, ce qu'on pense, c'est que ça peut être une bonne nouvelle, que si on prend au sérieux la question du climat, si on se donne, on sait ce qu'il faut faire pour sauver le climat, on sait, il faut isoler tous les bâtiments publics et privés. Il faut développer des transports en commun pour que le minimum de gens aient besoin de leur voiture. La plupart des gens, il faut qu'ils puissent prendre soit le vélo, soit marcher à pied, soit des transports en commun. Il faut transformer le modèle agricole. Et tout ça, et ça peut créer des emplois, et ça peut être une bonne nouvelle. J'étais l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, un des exemples que donne Cyril Dion, c'est la ferme de Charles et Perrine au Bec-et-Loin. C'est juste génial. Quand vous allez chez Charles et Perrine, vous avez envie de rester avec eux tellement il y a un sentiment d'équilibre. Ils arrivent à produire des fruits, des légumes avec zéro pesticide, zéro pétrole. Et l'argent qu'ils économisent sur le pétrole et les pesticides, ils l'ont transformé en masse salariale. Et là où une ferme aurait pu fonctionner avec juste un adulte ou deux adultes, ils sont 7 ou 8. Et on voit bien que les gens sont heureux, donc ça crée de l'emploi. Les gens qui mangent ces produits, c'est meilleur pour leur santé et c'est meilleur pour la planète. Et c'est équilibré, c'est du point de vue économique. Simplement, il faudrait que l'ensemble des agriculteurs, qu'on les aide, la plupart des agriculteurs ont le couteau sous la gorge, la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer un SMIC, ils sont surendettés. Donc est-ce que les politiques peuvent aider à une réflexion dans l'agriculture et dire pendant 2 ou 3 ans, votre champ va être moins rentable, on vous donne une aide financière. Sur l'isolation, je l'ai dit tout à l'heure, l'autre jour j'étais à Grenoble, un monsieur qui vit dans un HLM depuis 15 ans disait « j'ai gagné 800 euros par an sur mes dépenses de chauffage ». La question est de savoir comment est-ce qu'on finance un plan d'investissement très massif. Et là, la question de la justice fiscale que demandent les Gilets jaunes, elle est cruciale. Quand on sait que 30% des Français n'ont pas un euro d'économie, que 30% des Européens sont dans le rouge tous les mois, il y en a qui se font engueuler tous les mois par leurs banquiers, la question de qui paye pour faire ce plan d'investissement est très importante. Celui qui prend sa voiture tous les jours pour aller au boulot, est-ce qu'on va lui demander de payer plus de taxes ou est-ce qu'on trouve d'autres financements? Et ce qu'on dit, combien, ça la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes dit que si on veut vraiment, dans tous les pays d'Europe, isoler les bâtiments, développer les transports en commun, aider l'agriculture à se transformer, développer les renouvelables, la Cour des comptes dit qu'il faut chaque année 1100 milliards d'euros. C'est à peu près ce que le système bancaire se fait injecter par les banques centrales. Il a lu notre bouquin, il connaissait le sujet avant. Mm-hmm. Non, mais juste, c'est très intéressant parce que la Cour des comptes, en général, c'est des trucs qu'on lit le soir quand on a du mal à dormir, pour être honnête. Et là, ils se sont lâchés. La Cour des comptes européenne s'est lâchée en disant qu'il y en a marre des scénarios où tout finit bien en 2050, parce que maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la neutralité en 2050. Et la Cour des comptes dit que ça n'est pas sérieux, parce qu'en fait, la Commission européenne compte sur une succession de miracles juste à la fin. Que tout d'un coup, en 2040, on va trouver le budget. Que tout d'un coup, en 2043, il y aura le saut technologique. Et que dans des pays laïcs, on ne peut pas compter sur Sainte Rita et la patronne des causes désespérées, une accumulation de miracles à la fin. Donc la Cour des comptes dit à la Commission européenne, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pas en 2040 que ça va se jouer. C'est dès l'année prochaine. Il faut trouver chaque année 1100 milliards d'euros. Et si on veut trouver 1100 milliards, nous, ce qu'on dit, avec Jean et avec d'autres, c'est qu'il faut obliger les banques et les assurances à stopper pour de vrai les investissements fossiles et à mettre tous leurs sous en 4 ou 5 ans vers ce qui est bon pour la planète. Raconte-moi ça, comment on fait pour forcer les banques à faire quelque chose? Eh bien, je te rappelle que la dernière fois qu'on a essayé de leur forcer à séparer les banques d'affaires et les banques de détail, ils nous ont regardé, ils ont bien rigolé, ils ont pris beaucoup de pognon pour sauver les banques, du pognon public. Et là, là, donc, on fait comment pour la question est à base, on a une volonté politique. Quand Roosevelt a volonté politique dans la oui, même pardon, phrase. C'est un mot grossier, pardon. Attends. Mais moi, si on est là, c'est qu'on pense qu'on peut faire bouger les choses. Il a raison. Pense, moi, merci, je pense. Jean, je suis heureux de ton soutien. Attendez, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se fera pas spontanément. Voilà, si on est là aujourd'hui, on est content, c'est qu'on pense qu'il y a besoin. Je suis député européen depuis 3 mois. Je l'avais pas vu venir, mais j'en suis très heureux. Mais même comme député, je pense que s'il n'y a pas une pression des citoyens, ça ne va pas bouger. Tout est fait pour que les gens aillent voter une fois tous les 5 ans et qu'ils se rendorment tranquillou pendant 4 ans et demi. Et je pense que le rôle du citoyen, c'est pas seulement de voter une fois tous les 5 ans et d'aller dormir, c'est d'être vraiment très exigeant et de foutre une pression fraternelle mais très forte sur les dirigeants. Là, la campagne qui a été lancée l'autre jour en Belgique, c'est « nos garanties, nos votes ». Ceux qui étaient devant le Parlement, ils disaient « on vous demande, les députés, de dire « vous ne pourrez pas voter pour Ursula von der Leyen, vous ne pourrez pas voter pour la nouvelle commission le 23 octobre si on n'a pas des garanties chiffrées sur le financement ». Donc, la volonté politique, c'est Roosevelt qui fait la séparation des banques en 3 mois. Les banquiers gueulent, donc c'est un communiste qui va tuer l'Amérique, mais Roosevelt a fait la séparation des banques et ça a tenu pendant 60 ans. Ça s'appelle le Glass-Steagall Act, et c'est des libéraux qui ont réussi à le foutre en l'air, et depuis, on va de crise en crise. Un autre exemple plus récent, c'est quand Barack Obama fait la loi FATCA, c'était pas il y a 3 siècles, hein, Barack Obama, on l'a connu récemment, et pour lutter contre l'évasion fiscale, Barack Obama fait une loi qui dit que aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain. Ce n'est pas totalement transparent sur toutes les activités mondiales pour le fisc américain. Et là, c'est pareil. Les banques disent que c'est un communiste et qu'il va tuer le business. Et Barack Obama tient bon pendant 8 mois. Et la loi FATCA est passée et toutes les banques sont transparentes. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'au niveau européen, puisque Mme von der Leyen dit que c'est sa priorité le climat, on dit super, bravo, votre discours était formidable. Et maintenant, on passe au concret. Il faut une loi FATCA climat qui dit que plus aucune banque ou aucune assurance ne peut travailler en Europe dans les 5 ans qui viennent. Ce n'est pas transparente totalement sur toutes ces activités. Deuxièmement, on stoppe les nouveaux investissements bruns. Et troisièmement, en 4 ou 5 ans, on se désengage. L'autre priorité qu'on pousse avec Jean, c'est dire jamais il y a eu autant d'argent. Il y a un an, on a fait une réunion à l'Élysée à Matignon. Je ne donnerai pas de nom, mais quelqu'un nous a arraché des mains. Donc, la Cour des comptes dit qu'il faut 1000 milliards chaque année. Et c'est un de nos slogans avec Michel Rocard. On a expliqué, ou avec Stéphane Hessel, feu Michel Rocard ou feu Stéphane Hessel, mais on essaie de reprendre le flambeau. Notre slogan, c'était en 2008, quand il y a eu la crise financière, on a mis 1000 milliards pour sauver les banques. Et on devrait faire pareil pour sauver le climat. Mais certains rigolaient en disant, mais vous n'êtes pas sérieux, la Banque Centrale Européenne a fait ça une fois, parce que c'était sinon l'effondrement financier, et jamais la Banque Centrale ne voudra recommencer. Et moi, puis je te dis tout de suite que t'es pas sérieux tout de suite. Hein. Mais que je sois pas sérieux, la Banque Centrale Européenne, elle est remplie, gavée d'obligations, mais qui ne tiennent pas la route. Elle est en train de se poser des questions sur sa propre stabilité. Donc là, t'es en train de lui demander 1000 milliards. Non, je suis pas en train de lui demander, je dis juste, et la plupart des citoyens ne le savent pas, et même le ministre de l'économie Wallon disait qu'il ne savait pas, et il y a un an, on a fait une réunion à l'Élysée et à Matignon, dans le cadre du lobbying en France, et quelqu'un de très haut placé à Matignon me l'a arraché des mains. Donc c'est juste que fin 2014, la Banque Centrale, je ne vous parle pas de 2008, situation d'urgence, je vous dis juste que fin 2014, là c'est comme t'as ça. T'as pas dans ton micro. Pardon, fin 2014, la Banque Centrale annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Quand j'étais petit, on appelait ça la planche à billets. Maintenant, on met des mots techniques pour que la plupart des citoyens se disent « je n'y comprends rien, je vais dire des bêtises, vaut mieux pas que je me mêle », mais c'est bien ça. Et au total, la BCE a créé 2600 milliards d'euros à peu près en 3 ans. 2600 milliards d'euros en 3 ans, dont 90% est parti à la spéculation. Donc nous, ce qu'on dit avec Jean et d'autres, c'est « est-ce qu'on continue à donner toujours plus d'argent pour les banques et la spéculation, ou est-ce que cet argent pourrait aller pour financer les transports en commun, pour financer l'isolation de nos maisons et de nos écoles ?» Bon, là, on a notre politicien qui parle, il est regaillardi, il est courageux, il est plein d'espoir. Bon, là, on va parler un peu entre scientifiques. Oui. Vous n'avez pas l'impression qu'ils brassent tous un peu du vent et qu'ils sculptent un peu de l'air chaud pour faire un parallèle avec le réchauffement climatique? C'est parce que c'est très beau. On va trouver des solutions, on va faire pipi dans la douche, on va se laver les dents, on va fermer le robinet, mais toute cette industrie qui a mis 50 ans à émerger, toutes ces barrières psychologiques, toutes ces adhérences de consommation, tous ces modèles de croissance qu'on a bétonné dans la tête des gamins, on a bétonné dans la génération des trentenaires, des quarantenaires, cette inertie sociétale, cette immaturité quand le scientifique voit ça, quand il se balade dans la rue, qu'il voit des zombies. J'ai quand même parlé de... Je me veux provoquer. Hein. Non, mais c'est très bien. Alors, est-ce que le citoyen peut effectivement contribuer par sa réflexion, par ses propositions à effectivement, disons-le clairement, à changer de mode de développement? Parce que c'est bien de ça dont on parle quand même. Hein. On peut parler d'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est très bien. Mais il faut aussi parler de sobriété, c'est très clair. On n'y arrivera pas sans. Et alors, la question est posée, puisque, disons, à partir de la semaine prochaine, va se réunir la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est organisé par le Conseil économique, social et environnemental. Donc, je suis membre du Conseil de gouvernance. Donc, on travaille depuis 2 mois sur la préparation de cette Convention citoyenne. Thierry Pêche, Laurence Tubiana président ce comité de gouvernance. Voilà, ça va commencer dans une semaine maintenant. Et effectivement, c'est, je crois, un test grandeur nature pour voir si ça va se dérouler pendant quelques mois, 4 à 5 mois, et puis, disons, les propositions qui seront faites. La question qui est posée à ces citoyens, c'est une France miniature, tirage au sort. Les 150 citoyens seront là. Voilà. Et code Bendit dedans, le hasard fait bien les choses. Oui, le hasard. Alors, code Bendit a été effectivement appelé, mais il a refusé, semble-t-il. Mais c'est vrai que le tirage au sort a bien fait les choses, puisque Daniel Cohn-Bendit, on nous a dit qu'il avait été appelé, effectivement, mais qu'il a refusé d'être dans ce panel de citoyens. Donc ça aurait été effectivement bien, peut-être, qu'il soit là, mais voilà, les 150 citoyens seront là, et ça va être organisé autour de des grands thèmes, se loger, se nourrir, se déplacer, disons, produire, consommer, puis aussi une réflexion transversale sur la taxe carbone, sur la fiscalité environnementale, et parce que, justement, c'est important. Ce qui est demandé à ces citoyens, c'est quelles propositions feriez-vous pour nous mettre en avant, pour que la France respecte ses engagements à horizon 2030. C'est une question très simple. En fait, on a déjà du retard. Et on voit bien que c'est pas simple de diminuer, alors ça fait pratiquement 25% par rapport à aujourd'hui, sur 10 ans. Et ce à quoi Édouard Philippe s'est engagé dans sa lettre de mission, et je crois que le président de la République viendra le redire à ses citoyens, eh bien, c'est, disons que... toutes les propositions que vous faites seront regardées, appelleront des réponses, soit au niveau du législatif, soit au niveau de l'exécutif, soit au niveau du réglementaire. Mais donc voilà un petit peu, et bon, j'espère que des choses vont se passer par rapport aux citoyens. C'est complémentaire d'autres approches. Ces rapports citoyens n'empêchent pas celles, disons, sont plutôt complémentaires de celles que fait Pierre ou essaye de mener au niveau européen. Je pense qu'il y a une évolution chez les citoyens qui est très intéressante et impressionnante. Il y a un an, j'étais invité pour l'événement de rentrée des jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs, et le jeune paysan qui était là disait ce débat était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds pour être polis. Et il disait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun paysan qui est climato-sceptique. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, les inondations en la Seine ont fait qu'on a perdu 30% de la récolte de blé. Cette année, il y a tellement de sécheresse qu'on n'aura pas assez de foin et on va devoir abattre une partie des troupeaux. Donc il disait, c'était un des responsables nationaux des jeunes agriculteurs, il disait, en 10 ans, ça a tout changé dans nos têtes. Maintenant, le problème est financièrement, comment est-ce qu'on fait? Je sais, lui, il était éleveur, il dit, au lieu de mettre le lisier, que ça va abîmer la nappe phréatique et ça va abîmer l'atmosphère, je sais qu'on pourrait faire du biogaz, que maintenant c'est au point. Le problème, c'est que c'est 500 000 euros pour faire une unité de biogaz. La plupart des paysans n'arrivent pas à se payer le SMIC tous les mois. Donc si on demande à chaque paysan de trouver 500 000 euros, c'est pas possible. Il disait par contre, s'il y a un pacte européen qui paye la moitié de la facture et on est sûr que pendant 30 ans, on va nous acheter le biogaz, ben là c'est possible, on se met 2 ou 3 fermes ensemble, on va créer 1 emploi ou 2 emplois et c'est possible. De même, la plupart des gens, c'est pas pour le plaisir qu'ils prennent leur voiture. Mais moi je suis dans le coin des Pyrénées où ceux qui ont du boulot à Argelès ou à Lourdes, ils sont obligés, il n'y a pas de transport en commun. Il y a un bus le matin et un bus le soir. Donc ou bien on développe des transports en commun, ou bien on développe des systèmes de travail à distance, si on avait Internet au débit partout. Mais en tout cas, moi je pense très que... Très énergivore Internet. Hein. Pardon ? Très énergivore ouais. Internet. Oui, mais on peut faire des économies par ailleurs, si on fait des économies sur l'efficacité énergétique. Et puis Jean l'a dit, il y a besoin de sobriété. Là, j'ai mis une chemise... Frugalité. Là, hier, j'avais une chemise complètement râpée, et si on fout à la poubelle des vêtements dès qu'ils sont un peu usés, on s'en sortira pas. Là, comme je suis filmé, j'ai mis une... Non, mais sans rire, je pense que chacun de nous doit se dire, même si mon téléphone est vieux, je peux garder un vieux téléphone, même si ma chemise ou ma robe est un peu usée. usées, je peux garder. On peut vivre très heureux en ayant des chemises un tout petit peu élimées. On peut vivre très heureux dans une maison qui est isolée. On peut vivre très heureux en ne mangeant pas de la viande tous les jours. J'ai été élevé au jambon de Bayonne, comme tous les Basques Auvergnats du pays, mais j'arrive à manger moins de viande et je vis très heureux. Plutôt polygamie ou plutôt polyandrie pour le réchauffement climatique? Ce qui veut dire plus précisément. Ah, poly. Polygamie ou polyandrie pour le réchauffement climatique? Il faut choisir quoi? J'ai pas compris la question, Jean. Tu es le la polygamie, non. Bon, alors, non. L'inverse de la polygamie, c'est la polyandrie. Oui, d'accord. Donc, il faut reconsidérer la structure familiale, il faut bannir le divorce, il faut faire quoi? Je pense qu'on peut garder un haut niveau de liberté. Tous ceux qui vous disent qu'il faut une dictature pour sauver la planète n'ont rien compris. On va y venir parce que c'est une question qui est venir, mais j'aimerais bien qu'on lise un message de Marie-Claude. Ah voilà, c'était une question. Qui est à l'instant. Alors son message. À l'instant même, nous marchons pour le climat à Montréal. Greta Thunberg et David Suzuki nous accompagnent. Le Canada est en pleine campagne électorale. Aucun des candidats n'offre des propositions claires et vigoureuses pour ne serait-ce qu'envisager de freiner l'effondrement des écosystèmes, l'érosion, la biodiversité. Croyez-vous que de ne pas voter ne serait pas plus efficace pour manifester et l'urgence d'agir de notre profonde colère vis-à-vis de leur inertie? C'est pas des mesures un peu petits bras? Est-ce qu'il faut pas passer à un système un peu plus totalitaire, c'est-à-dire une bonne dictature, on fait crever tous les pauvres, on impose des mesures sur l'évasion fiscale à la hache et on arrête de rigoler? Oui, mais c'est ce qui va se passer, malheureusement. Non, mais pas, genre, je veux dire, pas. Le vrai risque du réchauffement climatique, c'est quand même l'accroissement des inégalités, je l'ai déjà dit, mais c'est, en gros, c'est quoi le réchauffement climatique? C'est aussi, diminuer la surface où il fait bon vivre. Hein, donc, et je crains, et on peut craindre vraiment que les riches sachent toujours trouver les endroits où il fait bon vivre et laissent, les pauvres s'engluer dans les endroits où il y a des difficultés par rapport au réchauffement climatique. Et c'est ça qu'il faut prendre de la mesure de cela dès maintenant. Et donc, il faut vraiment aller de l'avant et... ce qui est pour le Canada, même si Justin Trudeau est quand même plus... plus sérieux par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique que n'était Harper avant, qui était vraiment complètement climato-sceptique, ce progrès n'est pas suffisant parce qu'en Alberta, on exploite toujours de plus en plus de gaz de schiste, donc ce n'est même pas justement, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est qu'un chef d'État comme Justin Trudeau, qui visiblement a envie de faire des choses, n'y arrive pas. Et c'est pour cela, j'espère que cette marche de Montréal aura quand même un impact dans ce pays et aussi bien au-delà, parce que c'est ça qu'il faut, c'est entraîner des pays comme le Canada dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est clair. Pierre. Il faudra des mesures contraignantes, évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faudra dire que dans 20 ans tous les bâtiments doivent être isolés, que dans 15 ans plus aucune voiture ne peut rouler si elle émet du CO2. Il faudra dire que effectivement il faut isoler les bâtiments, il faut qu'on arrête l'avion. L'avion, ça doit être exceptionnel de prendre l'avion. Il y a des TGV partout. On peut beaucoup moins circuler. On peut passer des vacances très agréables en France ou à proximité. Je pense qu'il faut... Nous, c'est pour ça qu'on... D'abord, quand vous dites que c'est des mesures, des demi-mesures, le projet qu'on porte, quand même, il y aurait 400 milliards chaque année en Europe entre ce qu'on propose sur la Banque du Climat et le budget. Il y aurait chaque année 400 milliards sur la table en Europe. Donc, ça peut créer 5 millions d'emplois et ça changerait tout, plus un plan Marshall pour l'Afrique. Et on propose que ce pacte soit approuvé par un référendum le même jour dans tous les pays d'Europe. C'est l'idée de Habermas, le grand philosophe allemand, qui dit que l'Europe va crever si elle n'a pas un nouveau projet et que l'Europe va crever si elle a peur des citoyens. Et donc Habermas dit le prochain traité pourrait être approuvé le même jour ou la même semaine par un référendum dans tous les pays d'Europe. On aura un débat passionnant sur le climat, la biodiversité, sur la création monétaire. On verrait qu'en fait tout le monde peut comprendre les questions monétaires. On a tout fait pour que les citoyens n'y comprennent rien. Et on aurait un débat passionnant. Et les gens qui voteraient oui pour le pacte climat devraient dire aussi, est-ce que moi, dans mon comportement, je peux changer ma façon de vivre au quotidien? Et je pense qu'on créerait une dynamique très très forte. Donc ce n'est pas une dictature, mais c'est décider ensemble. Un référendum, c'est au contraire un sursaut démocratique. C'est décider ensemble qu'on va taxer le kérosène, que c'est pas normal que quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au boulot paye des taxes tous les jours quand il fait son plein, et que quelqu'un qui prend l'avion pour le fun une fois par mois ne paye pas de taxes. Donc je pense qu'on peut décider ensemble de nouveaux modes de vie, et que il y a aucune opposition entre dans mon enfance, enfin mes parents adoraient Pierre Mendès France. Le siècle dernier, merci, c'est sympa Bertrand. Trois fois que tu balances, donc t'es pas... C'est une réalité. Et Mendès France expliquait que le manque de justice sociale vient d'un manque de démocratie, que si on était dans un système vraiment démocratique, il n'y aurait pas autant de pauvreté et d'inégalité. Et je pense aujourd'hui que le manque d'action sur le climat vient d'une insuffisance démocratique. J'étais l'autre jour avec Bruno Le Maire. Il y a quelques jours, il nous avait reçus quelques députés. Il nous expliquait que le climat, c'était sa priorité, la priorité. Et je lui ai dit, excusez-moi, mais je suis le rapporteur au niveau européen pour le prochain budget européen. Et le budget du climat va reculer de moins 1,3%. Reculer de 1,3% le prochain budget climat. Je lui ai dit, ça n'est pas une priorité. Gros silence de Bruno Le Maire. Et je lui ai dit, et c'est d'autant moins compréhensible que la Banque centrale va recommencer sa planche à billets et qu'on va avoir 240 milliards dans l'année qui vient. La Banque centrale vient d'annoncer qu'elle va mettre 240 milliards sur la table qu'elle va donner aux banques en espérant que les banques vont agir pour le bien commun. Et donc je demandais à notre ministre, comment est-ce qu'on peut justifier que le budget climat va reculer de 1,3% alors que la BCE va créer 240 milliards ? Et sa réponse, c'est Pierre, ma porte est toujours ouverte, on se voit quand vous voulez. Donc je pense qu'il faut qu'on mette des arguments sur la table. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui se découragent. Ce n'est pas le moment de se décourager. Je pense qu'au contraire, grâce... Hélas, la gravité de la situation est telle, et puis les mouvements des étudiants, le travail des climatologues, moi je pense qu'on est au contraire dans le moment où on peut faire basculer, on est à un moment de vérité au niveau européen, et c'est pour ça qu'il faut que les citoyens poussent les députés, poussent les politiques au courage. Moi ça fait plus de 40 années que vous êtes dans la climatologie, on parle de solastalgie, de dépression chez les scientifiques, vous l'avez senti un peu? Comment ça va votre dépression? Non, ce qui se passe chez les scientifiques, disons, on a été long, enfin, bon, peut-être pas moi, mais disons beaucoup des scientifiques, par exemple, bon, moi, c'est l'Institut Percimon Laplace qui regroupe sur la région parisienne l'ensemble des laboratoires impliqués. En fait, depuis quelques mois, il y a une réelle prise de conscience et les scientifiques veulent effectivement voir ce qu'ils peuvent faire vis-à-vis du grand public. Il y a peut-être plus de désir qu'il n'y avait il y a quelques années d'aller vers le public, vers les décideurs politiques pour effectivement avancer. Il y a aussi des vraies initiatives dans les laboratoires. Il y a une réflexion qui se met en place, qui, disons, par rapport à notre positionnement de scientifique, c'est-à-dire cette idée qu'il ne suffit pas de simplement, disons, faire la science, même la dire, mais il faut aussi faire partie, être nous-mêmes dans l'action. Et donc, il y a beaucoup de scientifiques qui ont maintenant cette position. Et je crois que c'est quand même assez intéressant. On doit sortir de notre tour d'ivoire. Donc maintenant, par rapport à la question, je pense qu'il faut... moi, je suis... bien sûr, je suis très attaché à la démocratie. On voit bien que, disons, on peut penser que des régimes totalitaires ou semi-totalitaires pourraient être plus efficaces, mais je crois qu'il faut aussi aller de l'avant avec la démocratie, que c'est possible, et donnons l'exemple en Europe, justement. Ce que je souhaite, c'est que l'Europe réussisse simplement à respecter les objectifs qu'elle s'est fixés. En fait, neutralité carbone, c'est en France. Il y a 24 pays européens qui ont adopté l'idée de la neutralité carbone. J'espère qu'une des décisions sera quand même que d'entraîner l'Europe vers la neutralité carbone à horizon 2050. Faisons-le. Alors on peut toujours dire que c'est pas suffisant. L'Europe, c'est 10% des émissions, c'est vrai, ou un peu moins. Mais c'est synonyme de dynamisme économique de réussir cette transition. Et je suis de ceux qui pensent que ce dynamisme économique, finalement, irriguera l'ensemble de la planète. Et sérieusement, dans 10 ans, ce réchauffement climatique, si on a encore pris 2 dixièmes de degré, 2 ou 3 dixièmes de degré, 2 dixièmes certainement, eh bien, les gens commenceront sérieusement à réaliser que nous avons raison. Ils commenceront, et il y aura vraiment une montée, non pas, enfin, disons, une montée de plus en plus de monde pour dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'aller vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle si nous sommes encore sur cette trajectoire. Si nous avons... Mais c'est bien cela, mais à un moment déjà, c'est ce que disent les jeunes, mais ça va. Je pense que le réchauffement climatique va se poursuivre et que ce mouvement de fond, disons, de chacun d'entre nous, les citoyens, va prendre de plus en plus de place. C'est pas acceptable. Et la colère qu'a exprimé Greta, cette idée, bien sûr. Pardon, la colère qu'a exprimé Greta à l'ONU, je pense qu'on sera des millions à avoir de la haine en disant, mais purée, vous n'avez rien fait, vous le saviez. Ce que je dis à mes collègues députés, c'est qu'on aura honte de nous. On se fera engueuler par nos enfants, mais chacun de nous aura honte en disant, je savais, nous aurions pu agir. Et je répète, ça pourrait être une opportunité. Mais il faut juste avoir le courage de mettre la finance au service du bien commun. Les dividendes n'ont jamais été aussi... Je vous ai montré l'argent de la Banque centrale, mais j'ai encore 2 graphiques à vous montrer. C'est montrer comment il n'y a jamais eu autant de dividendes. Vous voyez, ça c'est une courbe, c'est les bénéfices non réinvestis, c'est les dividendes, voilà. Et dans le même temps, on baisse l'impôt sur les bénéfices. Moi, quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%, et maintenant on est tombé à 19% en Europe. Depuis que l'Angleterre est rentrée, c'est à qui va baisser le plus l'impôt sur les bénéfices. Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt sur les bénéfices était à 38%. Donc c'est, on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour financer la transition écologique, mais il n'y a jamais eu autant de bénéfices et jamais eu autant de dividendes. Le Figaro, le journal de l'ultra-gauche, a mis l'autre jour, les dividendes augmentent de plus 23% en un an, plus 23%, et à cause de notre bêtise, c'est pas le reste du monde, c'est juste la concurrence qu'on s'impose entre pays européens, on a divisé par deux l'impôt sur les bénéfices. Donc juste, nous on propose deux choses très simples, dire l'argent de la Banque centrale, au lieu d'aller à la spéculation, il pourrait aller dans une banque du climat pour financer, que tous on soit aidés pour isoler nos maisons, pour faire les transports en commun. Et puis on va demander un petit effort aux actionnaires. Quand les dividendes explosent, on ne touche pas les artisans, on ne touche pas les PME, mais les autres, on va faire un impôt européen sur les bénéfices qui va cracher 100 milliards. Et on aura toutes les subventions. Et les Indiens et les Chinois qui font de l'électricité avec du charbon. Eh bien, on peut mettre en même temps une taxe carbone aux frontières. Et puis, en même temps, je pense que ce qu'a dit Jean est très important, il peut y avoir un effet de contagion. Parce que si on attend et que le TAFTA, tout ça. Mais on peut tout mettre sur la table. Je pense effectivement que c'est en train de bouger. Même Emmanuel Macron qui explique qu'il faut revoir l'accord avec le Mercosur. Parce que effectivement, on voit que si on, et que nous sommes co-responsables. C'est aussi quand, moi je répète, comme bon Béarnais, j'aime bien le jambon de Bayonne, mais les cochons nourris en France viennent, c'est souvent avec des protéines qui viennent de la déforestation du Brésil. Donc évidemment, Bolsonaro, il n'y a pas de mot poli pour dire ce que je peux penser de ce monsieur, mais c'est nous aussi qui sommes responsables que y a des bateaux qui traversent l'Atlantique pour venir nourrir nos cochons et nos vaches. Donc est-ce qu'on est capable, nous aussi, de se dire, je ne suis pas obligé de manger de la viande ou du poisson tous les jours, je peux être en pleine forme en mangeant moins de viande, on peut avoir des protéines sur le territoire européen et ne pas les importer, on peut avoir un fonds qui aide à la reforestation, je répète, l'Europe est la première puissance économique et financière mondiale, on pourrait se dire qu'on change nos modes de vie, qu'on met de l'argent pour financer la transition en Europe, qu'on a un vrai plan Marshall pour l'Afrique, et je pense qu'il peut y avoir un effet domino. Je suis persuadé que si l'Europe se donne les moyens de gagner la bataille du climat, le Japon pourra faire pareil peut-être un an plus tard. Au Japon aussi, il y a des catastrophes climatiques monstrueuses. Tous les mois, il y a des catastrophes qui font des morts et qui sont à la une de l'actualité. Et le Japon a aussi une banque centrale qui fait beaucoup trop d'argent, qui va à la spéculation. Donc je suis persuadé que, ne serait-ce que si 12 ou 13 pays d'Europe, je répète, on n'a pas besoin de l'unanimité pour avancer, si quelques pays d'Europe décident de prendre le taureau par les cornes, on peut avoir un effet de contagion. Et puis dans quelques années, celui ou celle qui va remplacer Trump se dira « on était bien couillons de ne pas faire pareil ». Nous, aux États-Unis, on est tombés en récession. Et eux, l'Europe, ils vivent bien et ils créent des emplois. D'accord. Créer des emplois pour consommer. Non, créer des emplois pour isoler. Ayons un débat serein. La consommation n'est pas la solution. Est-ce que j'ai l'air serein? Non, pardon. Créer des emplois n'est pas forcément une mauvaise chose. Ici, on est 5 dans la pièce, on a tous un boulot correct, un revenu correct. On est 8, il y a Pierre, Paul, Jacques, d'accord? D'accord. On va arrêter de donner des infos. Ok, d'accord. Deuxième édition. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que créer des emplois dans un pays où il y a quand même plus de 5 millions de chômeurs n'est pas une mauvaise chose. Créer des emplois. Autant je ne crois pas au fait qu'il faille compter sur la croissance pour sortir de la crise. Ça fait 20 ans qu'on écrit que la croissance n'est pas la solution et que ça devient une partie du problème. Mais par contre, effectivement, si on veut isoler toutes les maisons, si on veut isoler tous les bâtiments publics, si on veut développer des transports en commun, eh bien je pense qu'on va créer des emplois et c'est plutôt une bonne chose. C'est pour refaire la même chose. Mais non, pardon, c'est pour changer radicalement. Jean l'a souligné. C'est-à-dire que le changement de paradigme, vous l'impulsez comment? Parce que là, à vous écouter, bon, Jean un peu moins, mais à t'écouter, c'est faire la même chose. Mais pas du tout, pardon. On va isoler, on va créer de l'emploi, on va avoir notre croissance verte. Mais quand j'explique verte. Qu'il faut aussi de la sobriété, quand j'explique qu'il faut changer mon mode d'alimentation, quand il faut changer de mode d'agriculture, c'est tout qu'il faut revoir. Je dois manger moins de viande et la viande doit être produite autrement. Je fais l'avocat du diable exprès. En quelques décennies, on a divisé par 3 la consommation de vin, mais on fait du vin de meilleure qualité et les gens vivent quand même correctement de leur travail. Est-ce qu'on est capable de transformer, effectivement, de choisir un modèle de sobriété où on consomme moins, où on n'est pas poussé, on met fin à l'obsolescence programmée, qu'on consomme beaucoup moins et que ce qu'on consomme est produit autrement? On aura quand même besoin d'énergie. Toi et moi, on a besoin de se déplacer. Mais est-ce qu'a priori, on se déplace à vélo ou à pied ou en transport en commun et que les fois où quand même, tous, parfois, on aura besoin d'une voiture, est-ce que l'Europe a inventé une voiture qui consomme beaucoup moins et qui consomme des renouvelables? On a mis des milliards pour faire Airbus et c'est un succès. On a mis des milliards pour faire Ariane. Est-ce qu'on est capable d'inventer un ordinateur? Tu as devant les yeux un ordinateur. Est-ce qu'on est capable d'inventer un ordinateur qui va consommer moins ou une voiture qui va consommer moins? D'accord. On connaît le principe de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on fait des trucs qui consomment moins, tout le monde l'achète et comme ça, tout le monde consomme pas plus. Pas forcément, parce qu'en même temps, tu augmentes le prix du carbone. Autant si ton seul levier c'est d'augmenter le prix de l'essence, tu auras des millions de gilets jaunes. Si aujourd'hui la seule solution c'est la taxe carbone, tous ceux qui n'ont pas un euro d'économie, tous ceux qui sont dans le rouge mais qui ont besoin de leur voiture vont gueuler et on les comprend. Par contre, si tu commences par faire de l'efficacité, si tu commences par isoler les maisons, mettre en place des transports en commun, et que tout le monde a compris que le problème du climat est sérieux et que c'est pas la lubie de quelques, tu peux dire on augmente le prix du carbone régulièrement. Une question pour Jean Jouzel, est-ce que c'est vrai que l'ensemble du système solaire se réchauffe? Bon, alors là, j'ai pas... Non, pas vrai. Enfin, il n'y a pas de preuve que l'ensemble du système solaire se réchauffe, non. Disons, là, en tout cas, le soleil, il n'y a pas une augmentation de l'activité solaire, l'activité du soleil actuellement. Il y a des faibles variabilités et ça ne joue que pour, au niveau de la Terre, que pour un dixième de degré. Donc, non, je ne crois pas. Il n'y a pas cette... Une autre question pour Jean. Est-ce que la géo-ingénierie, c'est une solution? Alors, je vais essayer de dire... ma réponse est non. Alors, pourquoi? Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je pense que c'est principalement une raison éthique. Donc, la géo-ingénierie, par exemple, ça pourrait consister à envoyer des aérosols. En fait, à chaque grand volcan, il y a, disons, un refroidissement qui dure à peu près... disons, 2 ou 3 ans, de quelques dixièmes de degré. Et donc, l'idée... Une des idées phares de la géo-ingénierie, dont on parle le plus, c'est justement de jouer les apprentis volcanologues, c'est-à-dire d'envoyer les aérosols à une altitude d'une dizaine de kilomètres, et effectivement, disons que ces aérosols pourraient jouer le rôle que jouent les aérosols volcaniques de limiter le réchauffement. Admettons que il y a deux aspects pour le premier aspect, c'est qu'il y a des risques d'effets secondaires sur les précipitations, sur le cycle de l'ozone, qui sont non négligeables et non maîtrisés. Donc, disons, si on réussissait à limiter le réchauffement climatique, mais à détériorer d'autres caractéristiques du climat ou de l'environnement, ça ne serait pas terrible. Mais surtout, si on veut, disons, contrer l'augmentation du gaz carbonique et de l'effet de serre, eh bien, il faut augmenter la dose chaque année. Chaque année, il faudra envoyer de plus en plus, disons, d'aérosols dans la stratosphère. Et puis, si dans 20-30 ans, eh bien, pour une raison quelconque, géopolitique, technique, technologique, ou bien, simplement une guerre, je dirais, eh bien, on est obligé d'arrêter cette injection, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui prendraient le réchauffement d'un degré, non pas en 30 ans, en 20 ou 30 ans, comme on va le faire, mais plutôt en 3 ou 4 ans. Et les conséquences seraient encore plus terribles. C'est-à-dire que c'est d'un égoïsme incroyable de la part de nos générations de commencer à faire de la géo-ingénierie. C'est-à-dire de mettre vraiment une épée de Damoclès sur les jeunes d'aujourd'hui. Si j'étais jeune aujourd'hui, je me révolterais contre l'idée de la géo-ingénierie. Pour cette raison principalement éthique. Je pense que c'est... voilà. Donc après, c'est la principale raison. Il y a aussi ces risques d'effets secondaires. Il y a d'autres méthodes qui sont envisagées, mais globalement, si, disons, à titre, en tout cas personnel, les scientifiques sont extrêmement, n'encouragent pas, en tout cas le GIEC certainement, mais je n'y crois vraiment pas. C'est reculer le problème et mettre vraiment des difficultés sur les jeunes d'aujourd'hui encore plus. On leur demande de piéger non seulement on leur demande de s'adapter à un réchauffement climatique qui risque d'être non négligeable, mais on leur demande déjà d'être en mesure de pomper, d'extraire une partie du CO2 de l'atmosphère. Vous voyez déjà comment on est égoïste. Si en plus on ajoute de la géo-ingénierie, eh bien, c'est vraiment, je dirais, n'importe quoi de la part de nos générations. Il est 18h28, donc il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes parce que Jean doit aller à l'opéra. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça protège le climat, l'opéra? La culture, on peut parler de la culture en général. Je pense que je crois beaucoup à ce lien entre la démarche, la démarche qui nous conduit à respecter notre environnement, c'est ce que nous essayons de faire à travers, et je dirais bien sûr la culture. Je crois que disons, on voit bien d'ailleurs, il y a aussi bien sûr tous ceux qui sont attachés aux cultures, des pays qui souffrent. Par exemple, il y a des populations d'aborigènes qui souffrent peut-être plus de l'environnement. Mais généralement, je pense que le développement culturel va plutôt en symbiose avec la prise en compte de la réalité des problèmes environnementaux. Je le pense sincèrement, et donc lire, se cultiver, regarder autour de soi ce qui se passe, c'est ça aussi la culture. Hein, et donc cette culture, elle nous permet, je crois, de s'ouvrir sur le monde, et je pense que ça va plutôt main dans la main que le contraire. Je vous tiens encore pendant que vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez nous conseiller 3 livres à lire et nous laisser un conseil pour les jeunes générations, et ensuite on donnera la parole à Pierre. Alors 3 livres à lire pour bien sûr avec Pierre on a écrit aussi un livre qui est plus détaillé que celui-là qui s'appelle Pour éviter un chaos climatique et financier. Autrement j'aime bien plutôt les livres qui sont porteurs d'espoir, mais disons par rapport à ce qui nous concerne. J'aimerais bien que, à travers la lecture, il y ait une prise de conscience de cette réalité du réchauffement climatique, des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Mais bien sûr aussi, je le redis, peut-être une ouverture plus générale des jeunes vers l'environnement en général. Mais je n'ai pas de titre particulier dans ce cas-là. Un conseil pour les jeunes générations ? Lire, s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. C'est cela qui est important. Et Pierre. Et agir avec d'autres. Agir avec d'autres pour faire bouger les choses. Comme économiste et comme économiste à la banque, je voudrais donner une autre raison d'accélérer et de se battre dans les mois qui viennent pour gagner la bataille du climat. C'est qu'il est très probable qu'on va vers une nouvelle crise financière. Certains journaux me présentent comme un des 5 qui avait lancé la crise financière. En 2005, Dominique Strauss-Kahn se moquait de moi, donc il n'y avait aucun risque de crise. Strauss-Kahn m'avait humilié devant 400 personnes pour dire que je m'inquiétais pour rien. Et 18 mois plus tard, il y avait la crise des subprimes qui commençait. Et ça, c'est la courbe de la dette aux États-Unis. Je ne sais pas si on la voit, la dette totale, privée et publique. L'an dernier, il a fallu 2580 milliards de dettes en plus. Ça va cogner. Hein. 2500, c'est-à-dire, c'est du jamais vu. Si vous allez sur Flow of Funds, vous tapez sur votre site informatique préféré Flow of Funds, c'est tous les 3 mois, la réserve fédérale montre la dette privée, la dette publique, voilà. 2580 milliards. Donc, Donald Trump dit que grâce à lui, il y a un peu de croissance, toujours la croissance. Mais pour faire ça de croissance, maintenant, il faut ça de dette. C'est un peu comme si votre voiture avait besoin de 3 litres d'huile tous les 200 mètres. Donc ça peut péter n'importe quand. Le plus probable, et maintenant une majorité d'économistes, et Bloomberg qui le dit, hein, qui explique que 300 économistes sont consultés, qui pensent que ça va péter l'année prochaine. Donald Trump fait tout pour prolonger. Il engueule la réserve fédérale pour essayer que la bulle prolonge jusqu'après les élections présidentielles américaines. Mais le plus probable, c'est que ça va péter dans l'année qui vient. Personne ne sait. Et le FMI nous dit que la prochaine crise peut avoir des conséquences 10 fois plus graves. Le FMI, le journal Les Échos qui cite le FMI, la prochaine crise peut avoir des conséquences 10 fois plus graves qu'en 2008. Donc tout ça nous pousse à dire qu'il faut complètement changer de modèle. Je remonte cette courbe parce que la fin de la courbe est flippant, ça peut péter. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant 30 ans, il n'y avait pas eu aucune crise entre 1950 et l'arrivée de Ronald Reagan. Vous voyez que la courbe était parfaitement stable. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que pendant 30 ans, il n'y avait pas besoin de dette ? C'est parce qu'il y avait des régulations sociales. La première chose que fait Roosevelt, avant même Bretton Woods, avant de prendre 3 semaines pour reconstruire le système bancaire mondial, c'est Philadelphie. Il y a une photo magnifique où on voit Roosevelt qui signe avec les autres un texte splendide. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Le travail humain n'est pas une marchandise qu'on peut brader. On ne peut pas baisser les salaires quand il y a trop de chômage. La pauvreté est un danger pour la prospérité de tous. Et le texte de Philadelphie dit que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sociales. C'est pas du pipeau si tous les hommes étaient des frères. Tous ceux qui avaient connu la crise de 1929 disent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur les cotisations pour payer la sécurité sociale. Et pendant 30 ans, tant qu'on tenait bon sur Philadelphie, ceux qui allaient au salaire étaient corrects et on n'avait pas besoin de dette. Et puis Ronald Reagan arrive, on explique que tout ça c'est de la foutaise, c'est un système soviétique, et dans tous les pays on commence à précariser le marché du travail, et dans tous les pays ce qui va au salaire diminue. La courbe en rouge, c'est pour les 15 pays les plus importants de la planète, on voit que ce qui va au salaire diminue chaque année par rapport à ce qui va au bénéfice, et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le donne par la dette. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on a besoin de toujours plus de dette. Donc si j'ai montré cette courbe, c'est pour dire premièrement, la question du climat en tant que telle, il y a une urgence, on n'a plus que quelques années pour agir, mais il y a un risque que la crise financière explose dans 6 mois ou dans 8 mois, et que de nouveau, les politiques oublient la question du climat. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, nous à Bruxelles, avec des copains, des ONG, maintenant on se voit toutes les semaines, des élus de plusieurs bords politiques, des ONG, des experts, et on s'est mis en mode commando, on veut gagner dans les 6 mois qui viennent, parce qu'il y a vraiment un risque que sur le climat ce soit trop tard, et que la crise financière nous fasse tout bouffer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la justice sociale, c'est la solution. solution. Certains voudraient nous dire que la justice sociale, c'est un luxe auquel il faut renoncer, mais tant qu'on tenait bon sur la justice sociale, pendant 30 ans, jusqu'à l'arrivée des libéraux au pouvoir... Trois bouquins et un conseil. Les trois bouquins, il y a un bouquin qui est passionnant. Donc, le petit bouquin qu'on a fait avec Jean et Anne-Essel, honnêtement, est très intéressant, et j'ai zéro centime de droit d'auteur. Donc, franchement, tout le monde nous dit qu'il est intéressant. Il y a un bouquin, je suis fatigué, c'est Perdre la Terre, je crois, c'est un bouquin qui est traduit de l'américain, qui montre comment les lobbies ont tout, comment en 79, on savait déjà qu'il y avait un consensus de tous les scientifiques sur la réalité du dérèglement climatique. Je crois Perdre la Terre, c'est vraiment passionnant. C'est juste flippant de voir le poids des lobbies. Et je finis là-dessus sur le fait qu'il faut vraiment un lobby citoyen. C'est vraiment ce qui me réveille la nuit, c'est comment est-ce qu'on donne du courage aux citoyens pour pousser à l'action. Quand Nicolas Hulot démissionne il y a un an, il dit « il y a une inertie du pouvoir ». Il dit « ma relation avec Emmanuel Macron est bonne humainement, mais manifestement ce gouvernement n'a pas compris le problème climatique ». Et puis il dit « il y a des lobbies qui ne veulent pas qu'on agisse ». Il y a des gens qui veulent vendre du pétrole, il y a des gens qui veulent vendre des voitures, même si elles polluent. Voilà, ils sont notés, leur stock option dépend, voilà. Donc face à ces lobbies qui bloquent toute évolution, je crois qu'il faut qu'il y ait un lobby citoyen très très fort. Je le dis, cette campagne qui a été lancée par les ONG, il faut vraiment qu'on soit un maximum de gens à dire aux députés, aux politiques, on arrête les discours et maintenant on passe à l'action. C'est à l'Europe d'inventer un nouveau modèle beaucoup plus équilibré. D'accord. Et le bouquin, le conseil pour les jeunes générations, c'était ça? C'était passer à l'action, sinon il y a de quoi déprimer. Parfait. Et dans 10 ans on se dira on a été nuls et on s'engueulera entre nous. Par contre, une action joyeuse, j'étais encore avec Adélaïde l'autre jour, 3 jours à Bruxelles, ouais, ça peut rendre vraiment joyeux d'agir. Pierre, commence pas à me voler le micro parce que tu sais que j'aime pas ça. J'arrête. Un mot sur le nucléaire, vous deux, Jean, pour ou contre le nucléaire? Non, je ne suis pas contre le nucléaire, puisque d'abord je suis depuis 51 ans au CEA, donc je n'y serais pas si j'étais contre le nucléaire. Mais il faut bien voir que bon, le nucléaire a sa place dans le mix énergétique, mais je crois beaucoup au développement des renouvelables quand on se place à l'échelle planétaire. Ça, c'est bien clair. Quand on regarde le système énergétique à horizon 2050, on pourrait avoir au moins 50% de l'énergie. Quand on parle de l'énergie, électricité, mobilité et chaleur, eh bien, il faut absolument, au niveau planétaire, c'est vraiment les renouvelables qui sont, je crois, l'espoir et le développement doit se faire. Le nucléaire sera forcément limité, mais je ne suis pas du tout anti-nucléaire, je crois. J'ai dit qu'en France, j'étais rapporteur de la loi au titre du CESES de la loi sur... disons la transition énergétique pour la croissance verte, et nous avons dit dans cet avis avec Madame Ménard, donc ce rapport du CESE il nous semblait équilibré au niveau de la France, c'est-à-dire de faire une place aux renouvelables, et voilà, donc mais je ne crois pas non plus à la fin du nucléaire, et le nucléaire va continuer à se développer dans certains pays, c'est très clair. Pierre, 35 secondes sur le nucléaire. Mon père était responsable d'EDF et nous expliquait que le nucléaire était vraiment pas cher, qu'il était vraiment sûr et que les renouvelables étaient très chers et n'étaient pas sûrs. C'était il y a 30 ans et il avait raison. Mais maintenant, les courbes se sont inversées grâce à tous ceux qui travaillent sur les renouvelables. Le coût des énergies renouvelables a beaucoup baissé, le coût du stockage des renouvelables a beaucoup baissé, que ce soit dans des batteries ou alors au Danemark, quand vous avez beaucoup d'énergie éolienne, on utilise l'électricité pour faire remonter l'eau dans les barrages et on fera tomber l'eau quand on en aura besoin. Et puis on a encore vu il y a quelques jours comment... Le système en Angleterre, EDF vient d'annoncer que ça allait coûter encore 2 milliards de plus et qu'on allait prendre 2 ans. Donc je pense qu'il faut que ce qu'a dit Jean tout à l'heure, c'est l'essentiel, c'est l'efficacité, la sobriété, consommer beaucoup moins d'énergie et que ce soit pour l'essentiel des énergies renouvelables. Donc chez 18h38, c'était un peu court parce que Jean doit aller à l'opéra. Il y a plein de questions qui sont restées en suspens. La communauté nous le fait remarquer, donc il va falloir revenir. D'accord. Et on vous souhaite une excellente soirée. Et voilà. Un bon courage. Merci, à bientôt. J'ai le droit de dire mon espoir quand même que cette convention citoyenne qui commence dans quelques jours au Conseil économique, social et environnemental, qu'elle porte quand même, j'espère, je veux bien revenir dans quelques mois avec, j'espère, des mots d'espoir, parce que les citoyens, chacun d'entre nous, on a aussi notre rôle à jouer, c'est ça, et j'espère que c'est ce qui va sortir de cette convention citoyenne pour le climat. Jean Jouzel, Pierre Laroutourou, merci. Merci Bertrand. Merci Bertrand.